Les conséquences de l'aveu sont désastreuses. Monsieur de Clèves est trop passionnément épris de sa femme pour pouvoir dominer sa jalousie. Il fait surveiller Nemours, en qui il a deviné son rival. Un rapport malheureux lui donna à croire faussement que sa femme lui est infidèle. Il ne survivra pas à ce coup terrible. Dernier moment du prince de Clèves. Monsieur de Clèves était presque abandonné des médecins. Un des derniers jours de sa maladie, après avoir passé une nuit très fâcheuse, il dit sur le matin qu'il voulait reposer. Madame de Clèves demeura seule dans sa chambre. Il lui parut qu'au lieu de reposer, il avait beaucoup d'inquiétude. Elle s'approcha et vint se mettre à genoux devant son lit, le visage tout couvert de larmes. Monsieur de Clèves avait résolu de ne lui point témoigner le violent chagrin qu'il avait contre elle. Mais les soins qu'elle lui rendait et son affliction, qui lui paraissaient quelquefois véritables et qu'il regardait aussi quelquefois comme des marques de dissimulation et de perfidie, lui causaient des sentiments si opposés et si douloureux qu'il ne put les renfermer en lui-même. « Vous versez bien des pleurs, madame, lui dit-il, pour une mort que vous causez et qui ne vous peut donner la douleur que vous faites paraître. Je ne suis plus en état de vous faire des reproches, continua-t-il avec une voix affaiblie par la maladie et par la douleur. Mais je meurs du cruel déplaisir que vous m'avez donné. Fallait-il une action aussi extraordinaire que celle que vous aviez faite de me parler à Coulommiers, eût si peu de suite? Pourquoi m'éclairer sur la passion que vous aviez pour M. de Nemours, si votre vertu n'avait pas plus de tendue pour y résister? Je vous aimais, jusqu'à être bien aise d'être trompée. Je l'avoue à ma honte. J'ai regretté ce faux repos dont vous m'avez tiré. Que ne me laissiez-vous dans cet aveuglement tranquille, dont jouissent tant de maris? Juste peut-être ignorer toute ma vie que vous aimez, monsieur de Nemours. Je mourrai, ajouta-t-il. Mais sachez que vous me rendrez la mort agréable, et que, après m'avoir ôté l'estime et la tendresse que j'avais pour vous, la vie me ferait horreur. Que ferais-je de la vie, reprit-il, pour la passer avec une personne que j'ai tant aimée et dont j'ai été si cruellement trompé, ou pour vivre séparé de cette même personne et en venir à un éclat et à des violences si opposées à mon humeur et à la passion que j'avais pour vous? Elle a été au-delà de ce que vous en avez vu, madame. Je vous en ai caché la plus grande partie par la crainte de vous importuner ou de perdre quelque chose de votre estime par des manières qui ne convenaient pas à un mari. Enfin, je méritais votre cœur. Encore une fois, je meurs sans regret, puisque je n'ai pu l'avoir, et que je ne puis plus le désirer. Adieu, madame. Vous regretterez quelque jour un homme qui vous aimait d'une passion véritable et légitime. Vous sentirez le chagrin que trouvent les personnes raisonnables dans ces engagements, et vous connaîtrez la différence d'être aimé comme je vous aimais, à l'être par des gens qui, en témoignant de l'amour, ne cherchent que l'honneur de vous séduire. Mais ma mort vous laissera en liberté, ajouta-t-il, et vous pourrez rendre M. de Nemours heureux sans qu'il vous en coûte des crimes. Qu'importe, reprit-il, ce qui arrivera quand je n'y serai plus, et faut-il que j'aie la faiblesse d'y jeter les yeux.